Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche pour apprendre le vrai, faire table rase du passé, la discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonnais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Les pluies acides déchament les sapins. J'y peux rien, coule la résine sans gluten, le venin. Je peux le but à gauche, je crains plus mon destin, je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Hey, vous êtes à CKRL, Errance Rénaldienne, vous êtes des une bande de chanceux! Je suis une bande de jeunes, hein, moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me la fends la gueule! Mais avant de vous la fendre en deux, Madame Tremblay, restez des nôtres, surtout rassemblez votre bouche, votre menton et surtout vos bijoux qui ont été rassemblés dernièrement, oui. Alors c'était quand cette journée fatidique pour votre bijou? 23 septembre 2010. Et monsieur, comment ça va? Je la ramasse une fois par semaine. Oh, alors ça n'a pas très bien fonctionné pour vous. Ah, ça a très bien. Ils m'ont dit, premièrement, là, j'étais pas certaine. Certaine de que la bajou allait revenir. Puis vous avez osé tenter le coup. Mais il faut bien écouter, mon cher monsieur. Comment vous vous appelez, vous, monsieur Grenier? Non, c'est moi, c'est Gagné. Monsieur Grenier. Non, Gagné. Grenier. Mais êtes-vous sûr que c'est les bajoux ou le cerveau qu'on vous a? Ah, c'est les bajoux qui descendent. Le cerveau. Inexistant. Ah, c'est pour ça que vous avez dit oui. C'est exactement pour ça. Vous avez tout gagné, monsieur Grenier. Non, j'ai tout gagné, monsieur Gagné. Mais tous les gagnés sont-ils dans les greniers? Bonne question, madame. Vous venez de toucher quelque chose, un point sensible, en début d'émission. Je crois que je ne pourrais plus continuer. Faut arrêter l'émission. Monsieur Tremblay, coupez la cassette. On n'est plus sa cassette. Comment? On n'est plus sa cassette. Mais vous êtes plus sa cassette. Vous êtes sur quoi, vous? Sur la data... La dataset. La dataset. Eh, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, la dataset? Ben, la data, daté. On date tout ça, mais c'est de la dataset. C'est plus de la cassette. Je connais pas ça, moi. Je suis pas un technicien. Ben voilà, moi, j'ai écouté en 1923, j'ai fait la prise de son de Fernand Boignac. Qui? Fernand Boignac. C'est Fernand Gignac. Ben, Gignac aussi, hein. Il était là dans les toilettes, puis il chantait. Attendez, est-ce que vous pouvez faire... Attends, on va faire le reverberation de... OK, c'est ça. OK. On l'avait... Attends, c'est coupé ça, là. Coupez ça, M. Trapp. OK. On l'avait amené dans les... Mais toi, là, gauche pas la chose. On n'a pas encore tourné. Mais ça, c'est de la béchamel, hein. Faut aller dans le même sens tout le temps jusqu'à la fin de tes jours. Une béchamel, c'est jamais prêt. Non, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Tu tournes, ça s'appelle la guerre. Elle tourne, c'est fou bien de la misère. Elle tourne, une java chimérique. Elle tourne et on appelle ça de la merveilleuse chanson. Mais, qu'est-ce qu'il voulait dire? Fernand Gignac! Ah oui, c'est ça, Fernand Gignac, on le plaçait dans la salle de bain, hein, dans la... Comment t'appelles? Un deuxième nom, là, c'est d'aisance, là, la... On sait pas, on n'est pas dans votre dialogue, là. Mais, si vous pouvez vous parler à ma place, mais non! Vous êtes assez grand, vous êtes capable, vous êtes assez vieux. Ben oui. En fait, on l'avait placé dans le cabinet d'aisance. Bon, le cabinet d'aisance. On lui avait dit, pouvez-vous chanter, donnez-moi des roses. Puis là, il était là. Puis là, on a dit, il n'y a pas assez de réverbération. Ferme la porte, mon Jean-Marc. Puis là, avec Jean-Marc, ça a allumé quelque chose. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. À tous les mois de mai, juin, juillet, passe le temps et passe les mois, juillet, septembre et octobre. L'automne descend du ciel. Ciel! Voilà l'hiver, pom, pom. Voilà l'hiver, pom, pom. C'est l'hiver et le rameau. Bandant, bandant, bandant, bandant. Découvert d'un édredon tout blanc. Les enfants triomphants courent dans les bancs. Les bancs de neige. Regardez le bonhomme du nid qui se dresse à l'oli du grand bois, Claude Dubois, bois. Hier au soir à Saint-Dilon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait tellement plus grand-chose que Mme Tremblay était dans sa sauce. Mais là, moi, mon âge, ça me fait plaisir d'être dans ma sauce. Comment ça? 72 ans, puis encore dans ma sauce. Oh! C'est de la petite galanterie, ça? Ah, c'est de la belle galanterie. Moi, je suis très heureuse. Hein? J'ai fait... Premièrement, dans ma vie, j'ai réussi la sauce à l'oignon. J'ai jamais goûté à ça. Mais c'est très simple. Je vais vous donner la recette. On n'a pas le temps. Mais vous venez de commencer votre émission. Oui, oui. Écoutez... Il est minuit 8 et je crois que les minuit 7 et 25 secondes. Excusez-moi là, pour les gens qui sont devant leur horloge et se disent « Quand ça va se terminer, là? Je veux entendre la musique de Monsieur Marcou. Monsieur Marcou, priez pour nous! » Ouais. Je sais que la belle musique qui suivra l'errance canadienne sera dans quelques temps. Mais comme nous débutons l'émission... C'est pas vrai! On va la durer pendant combien d'années? Non. Combien de mois? Non. Combien de jours? Non. Combien d'heures? Oui! Oh! Oh non! Aujourd'hui, je me sens fraise et suppôt. Oh! Ça a aucun bon sens, là! Hey! Ce beau vendredi, là, je me sens fraise et suppôt! Jean-Luc? Oui? C'est pas frais et suppo. Comment ça, c'est pas frais et suppo? Non, c'est frais et dispo. Oh là là là là là là! Aïe aïe! C'est pour ça que depuis ce temps-là, et depuis ce temps-là, on a mangé des noix. Et depuis ce temps-là, on mange des noix. Écaillez-nous! Priez pour nous. Nous sommes des pêcheurs d'oiseaux. Des pêcheurs d'oiseaux. Attends un peu, là. Hey, attends le crêté, là, Jean-Luc. Attache-le. Un autre illuminé. T'as-tu sur ton chèque, toi, là? Ben, nous sommes le 8. Ben, alors, il est tout dépassé. Ben, il me reste encore 58 cents et 32 centimes. Ben, il n'y a pas des cents et des centimes ici. Il y a des... Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, moi, là, je viens d'arriver sur bière. Ben... Ici, là, c'est pas la planète bière. Ah non? Non, c'est la planète Terre. Oh, mais je suis trompé. À quel endroit puis-je m'expulser pour en y arriver sur le bouchon de la bière? Ben, c'est très... Je peux vous... venez vers moi. Oui? Penchez-vous légèrement. Oui? Prononcez votre mouvement. Oui? OK. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. OK. Attention! J'ose pas, monsieur. Comment ça? ça risque de vous handicaper pour la vie. Comme disait un grand sage, levez-vous et marchez. Comment ça, levez-vous et allez chier? Non, et marchez. Le verbe marcher. Marcher, premier groupe, marcher. Marcher. Marcher, marcher, marcher. Je fais fondre les marchés boursiers. Ah non, c'est pas ce marché-là, l'autre marché, marcher à pied. Monsieur le Président. Monsieur les proto-catholiques. Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Quand c'est francophone, c'est quoi? Ben, c'est pas anglophone. Ben, c'est ça, exactement. Bienvenue, vous êtes intelligent, vous. Pourquoi vous êtes ici? On m'a demandé de seconder le dégénéré. Non, c'est l'errant. Ben, c'est ça, le dégénéré intellectuel. On le connaît. Peux-tu dire son nom? Bon. Tout est sali dans sa vie. Ah! La langue coupée, la gorge irritée, je me poumonnais sans broncher. Angora, dis-moi d'où vient la vie? Où sont les vaisseaux maudits? Angora, sois encore à moi. Angora, dis-moi d'où vient la vie? Où sont... Comment ça, il n'y a pas assez d'écho? Ben, on peut vous en placer, monsieur Tambay, comme vous voulez d'écho. Vous avez des... Oui, c'est 53 cents. On va mettre 53 cents d'écho. Attention. Ça, c'est de l'écho à l'envers. OK. Dis-moi d'où vient... Non, c'est... Est-ce que ça vous plaît, ça? Pas trop, hein? Ça dépend des de ce que vous cherchez. Mais si vous voulez la grande salle, là, comme, je sais pas, exemple, l'Olympia de Paris. Il n'y en a pas de l'Olympia de Paris. Il y a Bercy, il y a Paris, il y a Parissard, il y a Berly, il y a Berla. Donne-moi d'où vient la vie, où sont les vaisseaux maudits. Maudit que c'est beau. Alors, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. Je sais que les gens vont se dire, il essaie son matériel. Non, je l'ai depuis presque 2 ans. Presque un an. Un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est pas à subcapobic, ça, là. C'est à génital. Tout est génital là-dessus. Tu pèses sur un bouton, ça fait ah. Touche. C'est génital. Voilà, bon. C'est facile. Moi, j'adore faire de la radio ici, dans mon bon cœur de l'amour, parce que j'appelle cet établissement dans lequel je m'exerce à vous faire quelque chose d'intéressant. Le bon cœur de l'amour. Alors, on va retoucher au clavier. Ah, voilà. Ah. Hein? Est-ce que c'est assez? Oui, c'est pas... est-ce que c'est vaginal? Non. On peut pas dire n'importe quoi, même si c'est les petites heures du matin, là. Il faut se retenir la glosette. Pas la glosette, c'est la gazette. La gazette, non, c'est la burlette. La burlette dit titre, les porcs de famille, que le bon Dieu a consacré pour planter sa vigne. Il se fait faire un berceau pour se préserver de loup. Il fait son refuge pendant le déluge. Quand la mer rouge apparut à la troupe noire, il s'est dépassé qu'il fallait la boire. Mais c'est le plus fin, il dit ce n'est pas du vin. Ah non, regarde, j'ai goûté à ça, là, c'est pas du vin, c'est quoi? C'est du raquel welsh. Puis du raquel welsh, c'est bon en balèche. Qui fut son, qui fit re, qui fit son, qui fut re, qui fit son refuge pendant le déluge. Quand la berlure apparut à la troupe noire. Pas noir, noire. Hey, ça, c'est, est-ce qu'un noir est plus noir que noir? Et les saints et les pendants qu'il fallait la boire. Oh, noir les boire. C'est bien saint le plus fin, il dit... Et je le redis, Madame Tremblay, les juges de la MSQ, de la RTQ, de la MAQ, de la CQ, de la PQ, de la P2, pu, par le popon, la par les bons, les bipas, la maman, les hommes, les malades, malades, malades, malades, l'orchestre, non, non, c'est d'ici, c'est le plus fin, il dit ce n'est pas du vin. C'est 2-10. 2-10, ça fait 20. Oui. 18 et 2, 20. Mais ça fait du 20, c'est 20, c'est 20. 20. 20 fois, mettez le métier à tisser avec la laine. Et puis la laine, on s'en délaine. À quoi vont faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Ils vont venir me chercher. J'en suis certain. Alors, je vais dire l'adresse. 405 3e avenue. À Parlement que j'ouvrirai pas. Fait que y a pas d'appartement. Ça risque d'être barré. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas casser la vitre. Restez devant avec la troupe. Tous les policiers, les 15 policiers devant la porte, s'il vous plaît, armés. Et vous pointez vos armes devant la porte. 405 3e avenue, OK? Les pompiers, la hausse, hein? Préparez-vous. En pleine nuit, une sirène amène au souffle les pompiers. Et tous les rios qui se réveillent. Pas à Rio, à Limoilou. Arrivez à Limoilou, parce que si vous n'êtes pas là, je pense que je risque de devenir très énervé. Alors, les policiers, les flingues, OK? Les pompiers, la hausse. À part de ça, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plaisant, donc? Mme Tremblay, votre sauce à spaghetti! On va faire une belle soirée de sauce à spaghetti! Monsieur Gagné? Oui. Monsieur Reynald Gagné? Comment? Reynald Gagné. Comment vous écrivez Reynald? R-A-Y-N-A-L-D. Et Gagné? G-A-G-N-E-R. Ben, c'est pas moi. C'est pas moi, monsieur. Vous êtes... Colonel Bamber. Oui, monsieur Colonel Bamber, comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes Reynald de Gagné? Non. Ben, comme vous l'avez appelé, non, c'est pas moi. Oh, alors où est Reynald de Gagné? Comment vous l'appelez? Reynald de Gagné. On le sait, mais comment vous l'appelez? R-A-Y-N-A-L-D. C'est merveilleux. G-A-G-N-E-R. Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas de Reynald Gagné, R-A-Y-N-A-L-D. G-A-G-N-E-R. Si vous voulez voir, nous avons un directeur général ici à CKRL. Vous pouvez aller le voir. Oui. Monsieur Fortin, il va vous diriger, il va vous donner mon adresse, mon numéro de téléphone. L'absurde aventure, comment vous appelez ça? Reynald Gagné, comment vous l'appelez? Non, merci, OK. L'absurde aventure, il peut continuer le même jusqu'à 3 heures du matin. Lui, là, il est pas conscient, là. Lui, il fait sa mission. La mission, c'est d'arrêter les rangs rénaldiens. Alors là, oubliez pas, hein, la pompe, les fusils, tout le tralala. Et là, les tralala, et là, les tralala. Et bandit, tralala. C'est la mère Michel qui... Hey, on n'a même pas commencé l'introduction des rangs rénaldiens. C'est épouvantable. À chaque fois que j'écoute moi-même mon émission, je me dis, comment ça, j'ai pas commencé l'introduction? Ben oui. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons le chemin narratif. Et voici le pitre qui change le chapitre radiophonique. Votre itinéraire, Reynald Gagné. On n'a rien compris. C'est pas important. Aujourd'hui, le samedi, je le dis tout le temps, là, vous allez le comprendre la semaine prochaine, dans deux semaines, dans un mois, dans un an, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 70 ans, 200 ans. Vous écouterez les vidéos en reprise, en re-reprise. Ouais, mais en 2012, c'est fini. On est déjà... Je crois que la majorité des gens sont finis. Tous les humains sont terminés à plat. Les premiers ministres, les ministres... Les gens de religion, tout le monde est fini, on les a délogés. On peut en nommer. On n'a pas le temps? OK, alors, aujourd'hui, le samedi 8... Non! Le vendredi 8 octobre 2010, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos... Alors, ils vont me dire, mais Rénal, t'as pas assez fait de musique. Je sais, ça s'en vient. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises. Comment tu disais ça? Ben, je voulais pas le dire de même, là.

qui est venimeuse. Oh, venimeuse! Oh, vlimeuse, ma venimeuse! Oh, vlimeuse, ma venimeuse! Toi qui cherches moi maintenant, je suis toujours à la même place en dessous du lit ou dans le centre d'achat. Oh, viens me voir, viens me voir, viens me passer un mélange. Je suis dans le mariage, il veut mon message. C'est comme la dernière fois, pas autrement. Oh, ça, c'était très mauvais, la dernière phrase. Bref, c'est ça, on l'a dit, rentrons dans l'angle. C'est pas dans l'angle, c'est dans l'entre, l'entre. L'anthropométrie. Oh, oh, il y en a deux. C'est l'avant-dernière. Il va falloir que j'en fasse, comme je l'ai dit à l'avant-dernière émission. Là, c'est l'avant-dernière, puis à l'avant-dernière émission, tu disais oui. Je dis bien des choses. Alors, le titre de la nouvelle... Oh, j'ai fait une mauvaise blague. Première phrase. Oh, je pense que j'ai voulu rigoler et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je peux pas faire celle-là parce que la chute... Bon, est-ce important d'avoir la chute? Mais dans ton cas, pas vraiment. OK, alors on va garder ça. Alors, la première phrase du début de la nouvelle de Charbukowski, c'est... Le président des États-Unis est monté dans sa voiture au milieu de ses gardes. Ben oui! On lui avait dit Paul McCartney! Oui, mais c'est pas un président. Hey, c'est le président de la musique, Paul McCartney! Il n'y a personne d'autre que Paul McCartney dans la planète, en dessous de la planète, dans le noyau. Il y a un noyau, c'est quoi le noyau? Si on compare à la Terre, ben si on compare au monde, ben au monde, ce soit le monde lequel? Le microcosme, le macrocosme? Cosme? Si on regarde le cosme, bon, mais micro ou le macro? Ben, le cochon, le pervers, le macrocosme, dépendant du macrocosme, chaque individu a son a sa personne à vénérer, là. Mais voyons donc, c'est pas pour McCartney, ben ça dépend, c'est pas planétaire, là. Mais voyons donc, on m'a dit que c'était pas le McCartney. Ben, il m'a crâtené, trop de crottes dans le nez, ça fait qu'un chanteur ne peut plus chanter. Sincèrement, il y en a d'autres, là. Il y a lui, là, puis il y a celui-là. Mais le président, c'était qui, le président? Au Texas, quand il s'est fait flamber le berbeau. Ben oui, flamber le berbeau, ben c'est Kennedy. Quelle culture. Oui, la culture me pique, oui. Aïe donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a... Ça fait du bien. Kennedy, comment il s'appelait? Reynald Kennedy, bravo. Alors, quand Reynald Kennedy a embarqué avec sa douce jolie qui s'appelait Zaziza Zabé, oh là là, ben Zaziza Zabé était juste à côté, elle disait, mon beau Reynald, je t'aime à soir, mon beau Reynald, j'aimerais brasser tes céréales. Est-ce normal que je te dise ça? Ce soir, car ce soir, c'est ton dernier. Ton dernier quoi? Ton dernier blues. OK. Alors là, le président était là. Avec son zizi. Et puis, ils ont passé devant une route, ils ont tourné, et c'est là, pow! Il n'y a absolument rien passé. Il s'est rien passé. Parce que il y avait une vitre invisible. Comme dans Batman. J'ai jamais vu ça, une vitre invisible dans Batman. Le numéro 37 de l'émission avec la belle Art Lockett, la femme chatte. Non, c'est la femme chat. Ouais, mais elle était très chatte, elle faisait rouin. Puis là, le Robin, qu'est-ce que tu faisais? Robin était tout seul dans son coin avec les petits amis, puis il jouait aux autos. Robin jouait aux autos. Aux autos. Aux autos quoi? Aux autos plus que tamponneuses. Il se tamponnait avec les petits amis. Oui, monsieur. Pas Robin. Robin. Batman, lui. Lui, il était dans des grandes réflexions de ce monde contemporain. Il fallait régner, il fallait gagner, il ne fallait pas tuer le président. Est-ce qu'il l'a tué? Ben, pas le... Hey, crois-tu sincèrement que Batman allait tuer le président? Non, là. Robin? Ben, non plus. Pourquoi Robin ne pouvait pas tuer le président? Il jouait avec ses petits compagnons. Voilà. Il jouait avec ses petits compagnons. Et dans le... à quelle place? Dans le sauna. Dans le sauna. Tout se passait dans le sauna avec Robin. Batman, lui, était là. Et puis Robin était... Je fais et je viens, je ne sens rien, je te retiens, et c'est bien. Mais c'est pas la version que j'ai entendue de Batman et Robin. Ben, c'est celle-là que tu vas entendre, là. Et puis, Rotman et Bobine étaient heureux jusqu'à la fin des temps. Ouais, mais les temps ont très changé, la preuve. La preuve. We'll be right back.

La Lufer, la Lufer. Lucifer? Non, il n'y a pas de Lucifer. Lufer. Lufer quoi? Connaître. Okay. Brigitte Fontaine. Ah, oh, c'est carré, elle connaît Brigitte Fontaine. Elle l'adore. Avec entre guillemets. Arrêt. Rien n'arrête l'errance. On peut arrêter l'écho? Oui, on peut tout arrêter. Rien n'arrête l'errance rénaldienne. La preuve, une autre nouveauté. Un nouvel atelier d'improvisation prendra forme dans quelques minutes. Il faut faire court parce qu'on est déjà dépassé le temps. Nous placerons l'avant-scène. Nous placerons sur l'avant-scène un citoyen qui viendra nous raconter sa vie, son passé et quelques instantanés de son existence. Plaçons sous les projecteurs un baby boomer! Oh yeah! Un baby boomer! OK! Alors donc, vous êtes professeur au Cégep de Sainte-Foy. Vous enseignez quelle discipline, mon cher monsieur, vous? Pink Floyd. OK. Mais dans quelle branche, en philosophie, en musicologie? Premièrement, là, qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre vie depuis autant de temps? Pink Floyd. OK. Oui. Mais après tout ça, là, lorsque vous avez cheminé, vous avez vu d'autres étudiants devenir professeurs, qu'est-ce que vous, là, vous, mon cher monsieur, comme homme de savoir, qu'est-ce que vous avez dit à votre étudiant pour qu'il puisse grandir dans la vie? Qu'est-ce qu'il doit faire, là? Quelles sont ses directives? Le mot-clé dans la vie d'un étudiant? Pink Floyd. Oui. OK. Mais en dehors de tout ça, là, je sais que votre... j'aimerais savoir, votre gourou, votre grand mentor, celui qui vous dirige actuellement dans votre vie, qui est-il? Pink Floyd. Bon. OK. Est-ce que tu les... Une question que je me pose, est-ce que tous les baby-boomers s'intéressent au même phénomène que vous? Quel est, selon vous, le grand mystère de notre société contemporaine? S'il vous plaît. S'il... Oui. Pink Floyd. OK. Ben merci, monsieur. Pour notre première, ça a été extraordinaire. Est-ce que vous pouvez dire une phrase là, qui pourrait illuminer tous les étudiants qui cherchent une branche sur laquelle se tenir et surtout étudier pour grandir et devenir un genre humain plus qu'évolué? Quel est le mot-clé pour vous là aujourd'hui? Oui. Pink Floyd. Alors, merci, monsieur. On vous remercie. Si vous voulez vous coucher, là, j'ai un petit banc ici avec des oreillettes. Bonne soirée. Non, mais on m'a dit que c'était pas le temps de la chanson. Ben non, c'était normal, là, parce qu'il m'a contenancé là, avec... quel est votre chanteur préféré, vous? Pink Floyd. OK. Ben merci, merci. Mais c'est pas le moment de la chanson. Tigu Beaudoin, il dit coupe, coupe! On a coupé. Mais là, vous allez avoir la chanson en plein milieu, mais c'est pas grave. Cette semaine, ben c'est grave un peu, là. Est-ce qu'on peut couper? Non, on peut pas. Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci. Pourquoi? Pour en faire quoi? Pour en faire un monument qui sera l'emblème de notre société. Quelle est notre... Premièrement, là, notre société a besoin de quoi, de qui pour se ressourcer, s'il vous plaît? Pink Floyd. OK. Il est vraiment bon. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'exclure ou de l'exclure dans le chose. exclure. Moi, c'est... ça va bien. Toi, ça va très bien. Tes enfants, ils ont grandi. Fissure, embouchure, afin de l'exclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe gothique. Tout est gothique dans notre vie. Tout est gothique. Plus c'est noir, plus on aime ça. On aime ça, brosser du noir. Madame Tremblay, les bas blancs, ça va pas avec les bas noirs. Pourquoi? Parce que le blanc et le noir, ce ne se marient pas. Pourquoi ils ne se marient pas? Ben, ils sont dissociés, là. C'est pas des couleurs, c'est des tons. Oh, madame, vous avez étudié très longtemps. Ben oui, puis moi, lorsque j'étais petite, là, et puis maintenant, jusqu'à 75 ans, ce que j'aimais écouter, c'est... Si vous saviez quand je suis seule, à quel point je me sens vide. J'ai pas envie de me brosser les dents, j'ai pas envie de voir les gens. Quand je regarde autour de moi, je vois tout moche et sombre et triste. C'est comme ça aussi que je me vois, même les trucs bien, ça s'imprègne pas. Je me souviens pas. Alors restez là, ne partez pas. Que je me souvienne de vous, que je me souvienne de moi. Je me souviens pas, je détruis tout. Même les trucs bien, ça reste pas. C'est comme ça aussi avec vous, quand vous n'êtes pas là. J'ai besoin de vous, de votre regard posé sur moi, qui me dessine au crayon rouge, pour que je me souvienne au moins. Parce qu'il faut toujours tout recommencer, toujours revenir vers vous, parce que ça s'imprègne pas, votre présence en moi. Restez là, ne partez pas, rapprochez-vous, plus près, regardez-moi. Lisez-moi sans téléphone. Regardez-moi. Regardez-moi. Apprenez-moi par cœur. Regardez-moi, que je me souvienne de vous, que je me souvienne de moi, que demain je sois encore celle qui se tient debout, qui crie et qui murmure, qui se balance légère au-dessus de vos bras. Souriez-moi, démasquez-moi, touchez-moi. Puis en plus, tu vois, pas, surtout par rapport au projet de la fille, qui est un projet quand même très autobiographique et très personnel, qui mieux que moi peut parler de moi, quoi. Ben oui, tu vois ce que je veux dire? Oh, oui, oui. C'est pas la même chose pour n'importe quel groupe, non. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment... Après, voilà, je pense que si ça continue à marcher, il faudra que j'ai un manager quand même, mais oui. Je le choisirais bien. Ok, ben oui, tu dois avoir des contacts. Ouais, pas des très bons. Non, éventuellement, ça viendra, genre tu vas en être un, hein. Imagine, j'ai 10 questions pour la fille. Vas-y, que j'ai posées à tous les artistes que j'ai rencontrés depuis super, 2 ans. Super. Alors, si tu étais un liquide. En fait, c'est des questions, il faudrait répondre du tac au tac, ça c'est oh, mieux. Non, pas si, parce non, que tout le monde réfléchissait. Ouais, je sais pas, ici c'est beaucoup plus cérébral. Un lait fraise. Un lait fraise, ok. Si tu étais une ville. Paris. Oh, Paris. Si tu étais une langue. Mais pourquoi Paris? Attends un peu. Non. Pourquoi tu étais une langue? Une langue? Oui, mais il y a Richard langue Dreyfus. De bœuf. Non, mais c'est Richard Dreyfus qui a réagi. Tous les autres n'ont pas réagi, mais les acteurs réagissent à une langue, oui. Mais avant, attends, une ville Paris. Pourquoi Paris? Ouais, parce que je crois que je pourrais plus me passer de Paris. Ok. Je pense que j'aurais certainement besoin d'avoir un lieu où, à la campagne, loin de tout. Mais si tu veux, j'ai une angoisse de partir de Paris, c'est qu'il faut absolument que si je pars, j'ai un pied à terre ici. Ok. C'est là où je suis née une deuxième fois. C'est une liaison entre toi et... Ouais. C'est ma deuxième naissance, tu vois, Paris. Ok. Ah, ben c'est bien. Quitte, encore là, on va revenir à la langue. Et si tu étais une langue? Une langue de bœuf. Non. Ok, une langue de bœuf et une langue parlée, par exemple. Pourquoi de bœuf? Non, c'était pour rigoler. Okay. Vous mangez pas de la langue de bœuf au Québec? Oui, mais surtout dans le vinaigre. C'est la seule langue qu'on mange, non? Vinaigré. Ah oui, nous, on le fait en sauce avec des petits cornichons. Oui, on peut aussi. C'est très intéressant, mais ce n'est pas dans notre esprit. Vous voyez les affaires en ce moment. En me jetant, voilà ce qu'ils m'ont dit. Le ciel a attrapé la jaunisse. Encore une belle journée faste. L'atmosphère, la syphilis. Même les mouches sont enthousiastes. Quand on dépose sa chic, grâce aux verres et aux végétaux, des quartiers chics, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico. Cinq heures et demie sur le boulevard, les crétins, les inconnus rampent. Ils vous filent un cafard noir, faudrait qu'ils flottent pour qu'ils décampent. Des grands temps de boire un verre, oubliez cette laideur qui lasse. La première gorgée est amère, faut se tenir, être perspicace. Quand on dépose sa chic, grâce aux verres et aux végétaux, du ghetto ou des quartiers chics, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico. Six heures, le ciel s'éclaircit. Tiens, cette fille est drôlement jolie. Je vous prie un autre verre. Celle-ci a vraiment tout pour plaire. Je crois que je ne l'oublierai jamais. Mais aussitôt qu'elle disparaît, je n'arrive pas à me souvenir ni de son regard, ni de son sourire. Dépose sa chic, grâce aux verres et aux végétaux, du ghetto ou des quartiers chics, tous ces gaufres en l'astico, tous ces gaufres en l'astico. Oh, Tony, Tony. 6h30, c'est le paradis. Quel plaisir que cette crèmerie. Toutes ces femmes sont si belles, mais d'où viennent-elles et que font-elles? Ça c'est une sacrée bonne idée de venir s'asseoir tout contre moi, de me dorloter, de m'embrasser. Je ne vois pas d'où puisqu'elles sont trois. Quand on dépose sa chic, Annette Bocanard ou Victor Hugo, du ghetto ou des quartiers chics, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico, tous égaux devant l'astico. CKRL, cultive tes goûts. Oh, on y va. C'est la chenille qui démarre. C'est la chenille. La la la la la la la la. On chante avec la chenille qui démarre. On y va. La la la la la la la la la la la. C'est la chenille qui démarre. On fait la chenille, hein. la la la la la.